Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1. Et alors que certains sont probablement en train de penser à ce qu'ils vont bien pouvoir manger ou ne pas manger ce soir, nous accueillons Geneviève Ouellette-Saint-Hilaire, notre chroniqueuse nutrition, qui va déconstruire quelques mythes alimentaires bien répandus dans notre société. Bonjour Geneviève. Bonjour François. Alors oui, pour ma deuxième chronique cet automne, j'avais envie de vous parler de plusieurs mythes alimentaires là, encore très très très présents de nos jours. Et comme vous le savez, je m'intéresse plus particulièrement au comportement alimentaire là, en lien avec le poids corporel. Donc ce soir, vous êtes choyés, j'ai sélectionné là, trois mythes alimentaires qui ont tous un rapport là, avec le poids corporel. Alors le choix de ce sujet-là, c'est loin d'être anodin. En fait, en tant que jeune nutritionniste, j'entends quotidiennement une panoplie de mythes alimentaires, là, tous les plus farfelus les uns que les autres. J'imagine. Et ces mythes-là, eh bien, la plupart du temps sont véhiculés par l'entremise, comme les médias ou la publicité, par exemple. Mais surtout, les mythes alimentaires sont véhiculés par le fameux bouche à oreille. Mm-hmm. Donc, ce qu'on entend et ce que les autres peuvent répéter, là, finalement. Et en tant que spécialiste de l'alimentation, je crois qu'il est important de faire la lumière sur certains mythes alimentaires afin que tous, là, puissent prendre des décisions éclairées, là, en matière d'alimentation. Alors, j'espère sincèrement que, là, que ça pourra aider quelques-uns d'entre nous. Très sûrement. La plupart des mythes dont je vais vous parler sont extraits du livre « Manger des bananes attire les moustiques » et plus de 150 autres mythes et réalités en matière d'alimentation. Donc, c'est quand même un titre accrocheur. Mm-hmm. Ce livre-là, il a été écrit par la nutritionniste Julie Desgroseillers et a été publié là, en 2009. Donc, c'est sûr que ce livre-là date un petit peu, mais dès la toute première page de ce livre-là, l'auteur nous met en garde, là, finalement. Et ce qu'elle présente dans son livre, c'est le fruit de ses recherches en 2009. Et comme la nutrition, eh bien, c'est une science qui est en constante évolution, les connaissances scientifiques au sujet de l'alimentation et de la nutrition ont évolué depuis ce temps-là, c'est bien normal. Donc, l'information que je vous livre ce soir, c'est le résultat finalement de l'adaptation du contenu de ce livre-là là, à la réalité là, 2014. Ben, je trouve qu'elle a un nom tout à fait approprié, Julie Desgroseillers, oui. Effectivement. Et Geneviève, ben, écoute, je suis très impatiente. De quel mythe qu'il s'agit? De quel mythe tu vas nous parler? Oui, alors avec plaisir, mon premier mythe que je vais vous parler ce soir, c'est le suivant. Alors, ce que je mange en soirée me fait engraisser. Vrai ou faux? Alors, certaines personnes croient à tort que consommer des aliments après le souper fait engraisser. Et ça, c'est sous le prétexte, entre autres, que le métabolisme est au ralenti durant la nuit. Okay. Alors, je vais essayer de démystifier tout ça. Oui, effectivement. Tout d'abord, il faut savoir que le choix du moment de la journée pour manger un aliment X ne modifie pas l'apport énergétique provenant de cet aliment-là. Donc, ce que je veux dire, l'apport énergétique, c'est un bien grand mot pour simplement dire l'énergie sous forme de calories qui va provenir de cet aliment-là. Et le choix du moment de la journée ne modifie pas non plus la façon dont le corps va utiliser cette énergie-là, donc ces calories-là, provenant de l'aliment. Donc, ces deux concepts sont assez abstraits, là, j'en conviens. Donc, j'ai eu l'idée là, de vous illustrer ça par un exemple. Donc, j'ai pris l'exemple d'une pomme. Donc, selon le fichier canadien sur les éléments nutritifs, une pomme crue avec pelure de grosseur moyenne contient environ 70 calories. Donc, que cette pomme-là là, soit consommée au déjeuner ou sous forme de collation en soirée, la pomme, elle va fournir le même nombre de calories, soit 70. Ça ne change pas sa valeur énergétique? Pas du tout. Pas du tout. Donc, les nutritionnistes font souvent là, l'analogie entre une voiture et le corps humain. J'aime bien cette analogie-là. Je voulais la partager ce soir avec tous. Donc, pour fonctionner une voiture, on le sait bien, ça requiert de l'essence comme carburant. Le corps humain, lui, va nécessiter de l'énergie, donc des calories qui vont provenir des aliments qu'on va se mettre dans la bouche. C'est son carburant, quoi. Oui, effectivement. Alors, tout comme une voiture en marche, le corps, lui, brûle son carburant, les calories, tout aussi efficacement, et ce, peu importe le moment de la journée. Peu importe que ce soit au déjeuner, au souper, au dîner, il brûle ça de la même... Ou même la nuit, si des gens mangent la nuit aussi. Oui, exactement, de la même façon. Donc, en conclusion, manger en soirée, ça ne fait pas forcément engraisser, ça ne fait pas engraisser, en fait. Toutefois, il faut garder en tête que si une personne mange en soirée, c'est parce que son corps demande à manger. Donc, la personne elle a finalement une véritable faim. Et trop souvent, lorsqu'une personne va manger en soirée, c'est plus pour grignoter que par vraie faim. Hein? Et grignoter sans avoir faim, on le sait, ça peut contribuer à la prise de poids à long terme. Tout à fait. Donc, ce que je mange le soir ne va pas forcément me faire prendre du poids. C'est ça. Est-ce que ce que je mange le matin peut aussi influencer mon poids? Oui, et justement, ça tombe bien, c'est le sujet de mon deuxième mythe qui découle du premier, en fait, que j'avais envie de vous discuter ce soir. Alors, mon deuxième mythe est le suivant. Ce que je mange le matin ne me fait pas engraisser. Vrai ou faux? Alors, certaines personnes croient à tort qu'elles peuvent consommer n'importe quel aliment le matin, sous le prétexte encore qu'elles vont brûler toutes les calories qui proviennent de ces aliments-là là, au cours de la journée. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Je crois qu'il est important de préciser là, qu'il est vrai que le corps va utiliser cette énergie-là qui va provenir de ces aliments-là pour vaquer à ses occupations matinales. On le sait, le déjeuner, dans la plupart des cas, là, c'est le premier repas qui est consommé dans la journée. Et là, si on s'attarde à l'étymologie du mot « déjeuner », on comprend rapidement là, son rôle sur le corps humain. Donc, le préfixe « dé » qui signifie « arrêt » et le suffixe « jeûner » qui signifie évidemment « jeûner ». Donc, l'arrêt du jeûne. Effectivement. Qui est la nuit, en fait. Donc, briser le jeûne, déjeuner signifie finalement briser le jeûne. Et ça, c'est dans le but de fournir au corps l'énergie pour bien débuter la journée. Et ça signifie pas forcément que toutes les calories qu'on va consommer au déjeuner, ben, ils vont disparaître là, finalement par magie. Là. Alors, tous les aliments, on le sait, que l'on mange au cours d'une journée vont fournir des calories. Donc, c'est l'essence même du rôle de se nourrir, de nourrir notre corps, finalement. Cependant, tel que j'ai mentionné le plus tôt dans l'émission, le moment de la journée n'y change absolument rien. Ainsi qu'on consomme trop d'aliments au déjeuner, au souper ou en soirée, lui, le corps va accumuler ces surplus-là de la même manière. Donc, c'est une question purement mathématique et non de timing, là, si vous pouvez me permettre l'expression. Donc, en conclusion, déjeuner, comme n'importe quel autre repas de la journée, ne contribue pas à la prise de poids dans la mesure où ce que la personne est à l'écoute de son corps, qui lui dira quand et quelle quantité d'aliments manger. Donc, ce que je mange le matin ne va pas forcément me faire grossir, mais inversement, si je décide de sauter le déjeuner, est-ce que je vais perdre du poids? Non. Pas forcément. Okay. Et même au contraire. Explication, oui. Oui. Ça m'amène à vous parler de mon troisième mythe qui est sauter le déjeuner est un bon moyen pour perdre du poids. Donc, il y a certaines personnes, évidemment, comme François, tu le mentionnais, croient à tort que sauter le déjeuner est un moyen pour perdre du poids. Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Mm-hmm. Mais je comprends en partie un peu le raisonnement des gens. Parce qu'il est logique de penser que si on mange moins de calories que ce que notre corps a besoin, forcément, on va perdre du poids parce que la balance énergétique est négative. C'est ça. Mais j'imagine qu'il y a peut-être des impacts à sauter le déjeuner. Là. En ce qui concerne le déjeuner, là, il faut penser autrement. Tout simplement, c'est ça qu'il faut penser autrement. Donc, la littérature scientifique là, suggère plusieurs hypothèses au sujet de ce lien-là qu'il y aurait entre la prise du déjeuner et le poids corporel. Je vous en énumère là, trois. Donc, dans un premier temps, déjeuner permettrait de mieux contrôler ses fringales alimentaires au courant de l'avant-midi, donc ce qui pourrait diminuer la probabilité là, de grignoter avant le dîner. Okay. Dans un deuxième temps, si on contrôle mieux ses fringales, la prise du déjeuner permettrait également de manger un dîner moins copieux. Ah, OK. Parce que la personne, elle serait moins là, affamée à l'heure du dîner. Il faut que je mange. Donc, ça a un impact sur le dîner. Là. Exactement. Et finalement, déjeuner activerait le métabolisme de base, ce qui pourrait le favoriser l'utilisation de l'énergie qui provient des aliments plutôt que l'entreposage. OK, je comprends. Et est-ce que tu peux nous préciser un peu ce qu'est le métabolisme de base? Oui, donc ce principe-là de l'activation du métabolisme de base, eh bien, comme le corps a été privé de nourriture pendant plusieurs heures durant la nuit, il faut à présent qu'il refasse ses réserves. Donc, le fait de déjeuner va activer ce métabolisme de base-là. Donc, qu'est-ce que le métabolisme? En fait, c'est la quantité d'énergie qui est utilisée par le corps au repos. Donc, si on déjeune pas, ça peut entraîner l'effet inverse. En sautant le déjeuner, il y a comme une sorte de message de privation calorique là, qui est envoyé au cerveau. Et ça donne quoi comme résultat, ce message-là? Eh bien, le corps, lui, il n'aime pas ça du tout. Et par conséquent, il va ralentir son métabolisme de base de peur d'être dans un état de privation à long terme. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va ménager en quelque sorte ses réserves caloriques en emmagasinant le plus possible d'énergie, comme s'il craignait une autre période creuse là, qui s'en vienne finalement. Alors, donc, une personne qui va décider de ne pas déjeuner pour perdre du poids, eh bien, malheureusement, ça fonctionnera tout simplement pas. Il n'y a pas de remède miracle. Effectivement, pas de remède miracle, effectivement. Donc, ce soir, j'ai abordé avec vous seulement trois mythes alimentaires parmi une panoplie de mythes. Et si vous désirez en apprendre davantage, je vous invite fortement à visiter la section Mythes et réalités du site Internet d'Extenso. Alors, Extenso, c'est le centre de référence sur la nutrition de l'Université de Montréal. C'est un site qui, en fait, c'est une bible d'informations qui est crédible et qui est constamment mise à jour en matière d'alimentation. Donc, en fait, c'est un site que les personnes là, du Québec, là, finalement, ou n'importe qui, peut vraiment se fier là, sans problème. Et consulter. Oui. Ben voilà une information précieuse, car le net fourmille d'informations en matière d'alimentation, mais c'est pas toujours facile de connaître la crédibilité d'un site. C'est important. Oui, très, très important. Alors, merci beaucoup, Geneviève. Merci. C'est très intéressant. On va passer en pause musicale sur CKRL au 89.1 et au retour, on met le cap au nord.